Nighthawks. Nighthawks. Les oiseaux de nuit en français. C'est une grande toile rectangulaire de 80 cm par 1,50 m. Elle est conservée à l'Art Institute de Chicago. Cette peinture est l'une des plus célèbres de Hopper. C'est une scène de nuit. Hopper peint une rue fantomatique avec pour seul éclairage celui d'un bar. Ce bar occupe le coin de la rue et les trois quarts droits du tableau. Ses parois sont entièrement vitrées, comme un aquarium. Une lumière diffuse, jaune citron, guide notre regard vers le comptoir. Accoudée au comptoir, une femme et deux hommes. Ce sont les oiseaux de nuit. La femme, à la chevelure rousse et à la robe rouge, attire particulièrement notre attention. Elle fixe un bout de papier qu'elle tient dans la main. Près d'elle, un homme en costume sombre et chapeau clair fume. À l'extrémité gauche, un deuxième homme, au costume identique, nous tourne le dos. Un serveur s'affaire derrière son comptoir. La nuit est le sujet principal du tableau. Chacun l'interprétera comme une présence rassurante ou inquiétante. C'est l'ambiguïté, le champ des possibles que peint Hopper. Nighthawks. Nighthawks. En poster, en fond d'écran d'ordinateur détourné par la bande dessinée et la publicité, Nighthawks, noctambule ou plus littéralement les oiseaux de nuit, a acquis le statut d'icône universelle. La familiarité, la simplicité apparente de ce bar de nuit sont les fruits d'un long travail de décantation, de synthèse accompli à partir de multiples sources littéraires et visuelles. Hopper a retranscrit dans ses toiles l'atmosphère de ses romans favoris. La menace d'une mort annoncée dans la nouvelle d'Hemingway, Les Tueurs, plane sur Nighthawks. Les gangsters, les détectives des films noirs, les héroïnes de production hollywoodienne dont le peintre disait faire de véritables orgies pendant ses crises d'inspiration, s'invitent au comptoir de son bar dans une atmosphère de perdition héritée du café de nuit de Van Gogh. Le cinéma a en retour rendu de nombreux hommages à l'œuvre de Hopper. Wenders, Polanski, Ross ont remis en mouvement la narration suspendue de ses peintures. Les écrivains y ont à leur tour trouvé une source inépuisable de fiction et d'ambiance où ils ont pu déployer leur imaginaire. Au fil du temps, le bar de Nighthawks est devenu le passage obligé des célébrités américaines. De Marilyn Monroe à James Dean, d'Homer Simpson à Batman, son comptoir s'impose comme le Hall of Fame de l'Amérique moderne. Dernier verre aux Phillies. Des cafés parisiens aux restaurants new-yorkais, Hopper a fait de ces lieux de plaisir et de sociabilité le théâtre de la solitude et de l'introspection, créant une tension particulière entre les personnages et leur environnement. Composés avec la plus rigoureuse attention, les espaces dans lesquels évoluent ces personnages ressemblent à des décors de théâtre, où le metteur en scène Hopper règle minutieusement éclairage et jeu des acteurs. Un kaléidoscope de souvenirs. Appareil photo en main, des bataillons d'historiens de l'art ont sillonné les rues de New York à la recherche du bar qui aurait pu inspirer Nighthawks. Vaine recherche. Chacun des tableaux de Hopper relève d'une élaboration mentale, les fruits d'une intuition nourrie de sensations diffuses, des souvenirs patiemment digérés. Rembrandt, autant que Van Gogh, les cinémas noirs ou le chant de Marilyn, la guerre qui s'annonce en leur part dans la genèse de Nighthawks. Nightwatch, Nighthawks. Lors de son ultime séjour en Europe en 1910, Hopper écrit à sa mère qu'il vient de voir à Amsterdam le plus beau tableau du monde. L'œuvre en question n'est autre que la Ronde de nuit de Rembrandt. Son titre anglais, Nightwatch, présente une singulière homophonie avec celui que donne Hopper à son bar de nuit de 1942. La ronde de nuit montrait une milice de citoyens chargés de veiller à la sécurité des habitants de la ville pendant leur sommeil. Hopper commence à peindre Night Hawks une semaine après le bombardement de la flotte américaine en rade de Pearl Harbor. L'Amérique se croit soudain à portée des sous-marins et des bombardiers japonais. Hopper s'enrôle dans la milice populaire, chargée de surveiller le ciel nocturne de Cape Cod. Une moderne ronde de nuit. Van Gogh d'un café l'autre. En 1933, le café de nuit de Vincent Van Gogh entre dans la collection du principal collectionneur de Hopper, Stephen Clark. L'année de la réalisation de Night Hawks, en 1942, l'œuvre de Van Gogh est exposée à New York dans l'exposition 11 tableaux de Vincent Van Gogh, présentée par la galerie de Paul Rosenberg. Dans les lettres qu'il adresse à son frère Théo, Van Gogh décrit son bar de nuit comme un lieu de perdition dans lequel se déploient sans contrainte toutes les passions humaines. Faisant de son bar le centre de rayonnement d'une lumière vénéneuse, Hopper se souvient des lettres et du tableau de Van Gogh. De Van Gogh à Batman. La multiplicité des sources qui ont influencé Hopper n'a d'égal que le nombre d'œuvres qui se sont inspirées de ses tableaux. Réalisateurs, auteurs, dessinateurs et même scénaristes de séries télévisées ou de bandes dessinées ont clairement revendiqué son influence, faisant en particulier de Night Hawks un symbole incontournable de la culture américaine. Comme les trottoirs d'Hollywood Boulevard, le bar des oiseaux de nuit est devenu le lieu de consécration du rayonnement américain. Les créateurs de bandes dessinées y ont attablé Batman ou Homer Simpson. Avant son inauguration sur Mars ou sur Vénus sur Internet, il est devenu le bar des astronautes d'une station spatiale orbitale,